question pour un responsable. Car d'entendre le gouvernement se pencher sur la question du sucre, les ministères, c'est qu'on devrait faire une analyse complète de la situation et nous donner une communication évitant une duplicité de langage. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sur la page de sécurité, un homme du nom de Gaspard Naisha, qui est du village Ragaza, nous sommes en commune Gihanga de la province de Bubanza, a été cette nuit grièvement blessé à la machette. La victime a été agressée par les fils de sa concubine quand ils l'ont trouvée avec leur mère dans leur maison. Dans la même province, le corps d'un certain Nyoyagi a été trouvé ce lundi, suspendu sur une corde à la colline Butembe de la commune Mhanda. Sa famille indique qu'elle ignore les circonstances de sa mort et précise qu'il souffrait d'une longue maladie. Six personnes des zones Lukaramu et Warubondo de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, ont été emportées par un groupe de voleurs armés. C'était lors de deux attaques survenues dans la nuit de ce dimanche. Dans la première attaque qui a eu lieu à Lukaramu, deux personnes parmi ces voleurs ont été tuées, tandis qu'en zone Warubondo, ces malfaiteurs ont pu voler 60 kilos de farine de manioc et entre-temps, les agents de sécurité ont empêché ces voleurs. Un de ces voleurs blessés qui a été arrêté par les agents de la sécurité a indiqué qu'ils sont dans le groupe de rebelles dirigés par un certain Zabamema et qu'ils ont des collaborateurs à Gatumba. Nous devons toutes ces informations au porte-parole de la police nationale, Pierre Hurikiye. Des nouvelles dans les provinces, des jeunes qui veulent se marier en province Muyinga doivent désormais remplir certaines conditions dont le port des chaussures et la possession d'une habitation décente ainsi qu'un matelas. Aline Manirabarusha, gouverneur de Muyinga, qui a pris ces mesures, indique qu'un garçon non préparé pour fonder un ménage n'a qu'à patienter. Correspondance signée Dieudonné Zeyman. Pour fonder un foyer, le jeune homme doit se préparer et au préalable avoir un minimum de biens, selon Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga. Une habitation décente, un matelas. Le garçon qui n'aura pas encore rempli certaines conditions ne sera pas encore mûr pour fonder son foyer et devra absolument patienter. Autre souhait du gouverneur de la province Muyinga, l'amélioration de l'hygiène dans l'habillement et dans la salubrité des habitations. Chaque citoyen devrait au moins porter des chaussures dites yebo yebo. Certains des jeunes qui ont entendu ces propos du gouverneur lors de son discours à l'occasion de la célébration du 26e anniversaire de la proclamation de la charte de l'unité nationale indiquent qu'une telle politique va contraindre des jeunes à demeurer célibataires. Et pour ceux qui ont grandi vers les années 80, c'est une stratégie de pousser les jeunes à avoir un minimum avant de fonder le ménage. Une politique qui était en vigueur sous la 2e République, le garçon devait montrer une plantation de café, des champs de manioc ou de patates douces avant de se présenter à l'état civil. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Le reportage d'aujourd'hui nous conduit aux eaux thermales de Mogara. Nous sommes en zone Gatete de la commune Rumonge où les activités de réhabilitation de ce lieu sont en cours. Les responsables administratifs affirment que ces eaux ont des propriétés thérapeutiques et projettent par cette réhabilitation, à accueillir plus de visiteurs. Les détails, c'est dans ce reportage signé Francine Ndirokubgay. Ubwo nubwo twahawe abanyamugara kuko ugiye kuraba igihugu cyose ntaho yumva mwe na yamazi umuntu atemera ku Imana ibaho yogomba kana yemera kuko c'est un don de Dieu, une volonté divine. Ces personnes sont originaires de Mugara, cette colline de la zone Gatete, commune et province Lumonge, qui possède parmi ses richesses les eaux thermales. En quittant la route goudronnée qui mène vers Makamba à partir de Lumonge, on fait 20 minutes en voiture sur une route en terre pour atteindre le site. Les gens de la localité ne savaient pas qu'il y avait une richesse dans la région, comme l'indique le chef culinaire adjoint de Mugara, Fidel Nizigimana. Auparavant, on s'y baignait seulement, mais grâce au témoignage, les gens y viennent nombreux, car beaucoup sont handicapés. Les personnes des provinces lointaines y viennent aussi parce que cette eau guérit. Des recherches ont prouvé que ces eaux souterraines naturellement chaudes sont utilisées à titre thérapeutique. Des gens de Mugara l'ont même vécu. Nous venons ici pour se baigner. On y amène beaucoup d'handicapés et des personnes souffrant de rhumatisme. Parfois, ils guérissent car cette eau agit sur les nerfs pour les relaxer. On ôte les vêtements et on plonge les pieds dans cette eau. Parfois, on peut utiliser des tissus pour masser les différentes parties du corps et il y a l'effet immédiat. Moi, j'étais paralysé. J'allais toujours à l'hôpital, mais en vain. On m'a ensuite transféré à Bujumbura. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Je ne pouvais pas même me lever seul. Un jour, un docteur m'a dit que je devais aller me faire soigner à l'étranger et que je devais chercher 24 millions. J'ai été étonné et je lui ai répondu que je ne pouvais pas avoir cet argent. Je suis resté là, mais j'ai continué à venir prendre mon bain ici dans les eaux thermales. On m'a amené ici à moto. Au moment, je passais au moins 4 heures dedans. Cet exercice a duré une année. Aujourd'hui, je suis guéri. Je peux marcher 15 km à pied aller-retour. Sur le site, nous y avons trouvé une cinquantaine d'ouvriers en plein travaux de construction moderne. Objectif, étendre le site et attirer plus de visiteurs selon le gouverneur de la province de Lumonge, Juvenal Ebigilimana. Ça sera une belle place de façon à ce que tout le monde et qui sera là, en tout cas, sera très content. En tout cas, Dieu fait des miracles. Là où il y a des eaux thermales, il y a là où vous trouvez de l'eau très chaude. À côté, il y a là où vous trouvez de l'eau très, très froide. Et puis, à côté, il y a aussi l'eau tiède. Et on a pensé à faire 3 piscines contenant toutes ces 3 qualités d'eau. Il y aura aussi des lampes sur ces piscines. On va travailler jour et nuit. Les fonds qui sont en train de faire ça proviennent de 2 sources. Il y a d'abord les fonds du gouvernement qui avait octroyé à chaque commune les 500 millions en passant par le FONIC. Il y a aussi les fonds de la commune. Ces travaux vont coûter plus de 200 millions de francs burundais à la commune et sont censés être terminés avant le 1er mai de cette année en cours. En attendant, les visites sur le site d'eau thermale à Mugara sont suspendues. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi, nous allons vous parler du lait maternel qui a une grande importance pour la santé du bébé. Quant à l'allaitement, il procure de la joie à la mère et la protège de certaines maladies. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Clarine Nkurunziza, qui est une suite de la première partie que nous vous avons offerte mardi dernier. Comme nous l'avons dit dans la chronique précédente, pendant la période d'allaitement, la mère et l'enfant sont complémentaires. D'après docteur pédiatre Amélie Nidjumbéré, non seulement le bébé est en bonne santé, mais aussi protège la mère, surtout de la dépression. En allaitant, la mère sécrète la prolactine, dont le rôle, un des rôles, c'est de relaxer la mère. Donc, quand la mère est bien relaxée, et il y a moins de risques plus tard qu'elle développe une dépression mentale. Parce qu'on l'a déjà expérimenté, les mères qui allaitent bien leur bébé développent moins de dépression mentale par rapport aux mères qui n'ont pas allaité leur bébé. Un allaitement efficace doit durer entre 15 et 30 minutes et pas moins de 6 fois par jour. D'après Dr Amélie, une mère qui a eu un tel allaitement ne sera pas exposée au cancer du sein. Parce qu'une mère qui accouche et qui n'allaite pas, alors que la prolactine est là, cela provoque un désordre hormonal en elle-même et ça provoque, on l'a déjà vu, le cancer du sein. Je ne dis pas que les mères qui ont allaité ne font jamais de cancer du sein, mais celles qui accouchent et qui n'allaitent pas font plus de cancer. Les études l'ont bien montré. Et ça prévient aussi le cancer au niveau des organes génitaux,